بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لونج الله ست ست nuit du 21 شعبان 1441 on se retrouve pour prendre les leçons du hadith du messager alayhi salam où il a fait dua pour les compagnons radwanallahu alayhim, dans lequel il dit: je me réfugie auprès d'Allah pour que vous n'atteigniez pas ces ignobles mœurs. Ces leçons qu'a dit lui notre noble cheikh Ubayd hafidhahullah ta'ala lors des assises après salat al-jumu'ah à la mosquée Radwan à Médine. Les assises concernant ce hadith sont au nombre de trois. La première assise, Cheikh a dit après les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala et les prières sur le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit: amma ba'd, fahada al-hadithu alladhi sawfa atluhu alaykum insha'Allah rawahu Ahmad wa ibn Majah wa huwa hadithun hasan wa yusahihuhu ba'du ahli al-ilm وهو من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد جاء في بعض طرقه يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها وإلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. Donc Cheikh Hafidhahullah Ta'ala lors du vendredi lors du vendredi 21 Jumada 2 1443 a commencé avec ce hadith, son assise avec ce hadith. Il a dit ce hadith que je vais vous citer inshallah, et rapporté par l'imam Ahmed et par l'imam Ibn Majah et par Ibn Majah, et c'est un hadith qui est hasan, c'est-à-dire c'est un hadith qui est bon, jugé bon, et certains nombres de sciences authentifient ce hadith. Il s'agit du hadith d'Abdullah ibn Omar. Il a été rapporté dans certaines de ses voies que le prophète sallallahu alayhi wa sallam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un groupe de muhajiroun, un groupe de muhajiroun qui ont quitté la Mecque pour sauver leur religion, qui sont installés à Médine. Il a dit alayhi salatu wassalam un groupe de muhajiroun, cinq ignobles mœurs si vous en êtes éprouvés, et je me réfugie auprès d'Allah pour que vous ne les atteigniez pas. Donc, il cita, sallallahu alayhi wa sallam, la première, lorsque la débauche se propage au point que les gens en fassent la propagande et la commettent ouvertement, alors il se propagera au milieu d'eux des épidémies et des douleurs que leurs ancêtres n'auront pas connues. La deuxième, lorsqu'ils tricheront dans la balance et dans les mesures, alors ils seront punis par la sécheresse, la disette, ainsi que par l'oppression des gouverneurs. La troisième, lorsqu'ils ne s'acquitteront pas de leur zakat, Allah les privera de la pluie et si c'est pas les bêtes, aucune goutte ne leur parviendra du ciel. La quatrième, lorsqu'il rompt le pacte d'Allah et le pacte de son messager alayhi salatu salam, Allah les fera dominer et écraser par des ennemis extérieurs à eux, c'est-à-dire par des koufars qui sont parents de certains de leurs richesses. La cinquième, et lorsque leur gouverneur n'applique pas les commandements du livre, ils ne choisissent pas les solutions dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu, Allah enclenchera les tueries entre eux. يقول حفظه الله ومتع به هذا الحديث كما سمعتم يتضمن خمس خصال شنيعة خطبها جسيم وذكرها تقشعر له فريسة كل مؤمن بالله واليوم الآخر وترتعش لها فرائسهم خوفا من الله سبحانه وتعالى أن يعجل لهم هذه العقوبات مجتمعة أو يعجل لهم بعضها وإن كان الذي يناله شيء من العقوبة بريء منها لكن مضت سنة الله وله الحجة الدامغة والحكمة البالغة أن يعم بشؤم المصيبة وعقوبتها الصالح والطالح إذا علم منهم أنهم لم ينكروها بقلوبهم مع القدرة على ذلك أو ينكروها بألسنتهم وقلوبهم مع القدرة على ذلك قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة إلى دي حفظه الله تعالى سحديت comme vous avez entendu contient cinq ignobles mœurs. Leur citation terrifie le croyant qui croit en Allah et en le jour dernier et le fait trembler par peur qu'Allah ne leur précipite ses châtiments réunis aux certains de ses châtiments. C'est celui qui est innocent, subit un peu de ses châtiments, c'est la sunna d'Allah. Allah et à Allah appartient à la preuve écrasante. Et la cime de la perfection et de la sagesse sont dans le fait, sont à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le fait de faire subir les châtiments, les malheurs et les catastrophes de ces ignobles morts aux bons et aux mauvais, ceci c'est pour un but et pour de nobles buts et pour une excellente sagesse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a dedans une excellente sagesse d'Allah et des nobles buts dedans. Il dit, Habidahullah, quand Allah sait que les bons n'ont pas blâmé les ignobles mœurs avec leur cœur, alors qu'ils ont la capacité de le faire, ou alors ils les ont pas blâmés avec leur langue et leur cœur, ou n'ayant la capacité pour le faire, donc ils subissent ces châtiments comme les mauvais. Et comme il est dit dans le verset, et craignez une calamité qui n'affligera pas exclusivement les injustes. Et craignez une calamité qui n'affligera pas exclusivement les injustes d'entre vous. Et sachez qu'Allah est dur en punition. قال حفظه الله وتلحظون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب بها المهاجرين من أصحابه. وفي بعض الروايات قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنت عاشر عشرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقصود أن معشر تعم الجمع قليلا أو كثيرا إيه حفظه الله بغمخك que le messager d'Allah s'est adressé à Al-Muhajirin parmi ses compagnons. Et dans certaines versions du hadith, Abdullah ibn Umar a dit, j'étais le dixième de dix chez le messager d'Allah. Et cette version est rapportée par Al-Hakim, authentifiée par Sheikhna, par Dahabi rahimahullah. Et ce qui est voulu par le terme ma'char dans le hadith, ce terme désigne un petit nombre, comme il désigne un grand nombre. قال حفظه الله: وها هنا سؤال، أليس العبرة بعموم اللفظ كما هو مقرر في علم الأصول والأدلة عليه كذلك، ولا يخرج من هذا العموم إلا ما خصه دليل من نص أو إجماع؟ Il dit, Habidallah, ici il y a une question. N'est-ce pas que ce qu'il faut prendre en considération, c'est le sens général de l'expression, comme cela est confirmé dans la science des fondements, et cela est prouvé par de nombreuses preuves, et n'échappe à ce général que les spécificités faites par d'autres preuves ou par le consensus. Il est en train de nous comprendre que ce texte est un texte général. Pour le spécifier, il faut une preuve. Et comme il n'y a pas de preuve, c'est un texte qui concerne toute la communauté. Il dit, Habidallah, قُلْنَا بَلَا الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ وَهَذَا خِطَابٌ لِجَمِيعِ الْأُمَّةِ وَلَكِنْ خَصَّ هذا الرهط من المهاجرين رضي الله عنهم وعن إخوانهم الأنصار لأنهم هم الجالسون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حال هذا القول وحال تحديثه إياهم بهذا الحديث فبان بأن بهذا أن الخطاب عام وليس هو من الخصوص في شيء والله أعلم إذ حفظه الله تعالى إيه Nous voyons que le messager d'Allah a dit, il a dit, Habidallah, nous disons certes, ce qu'il faut prendre en considération ici, c'est le sens général du texte et non la spécificité de la cause. Donc ce hadith est un message pour toute la communauté, même si le prophète s'est adressé spécifiquement à ce groupe de muhajirin, en dehors de leurs frères parmi l'Ansar. Car c'est eux qui étaient en compagnie du prophète alayhi salatu wasalam au moment où il a dit cette parole et au moment où il leur a cité ce hadith. Donc il apparaît clairement, partant de là, que ce message est général, dans lequel il n'y a aucune spécificité. Et seul Allah subhanahu wa ta'ala sait. إذ حفظه الله وتحضرنا كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأعوذ بالله أن تدركوهن وهذا فيه فائدتان وهما من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم وأهل السنة يؤمنون بهذا وبغيره من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم وأنه حق على حقيقته يجب أن يصان عن الظنون الكاذبة والخيالات الباطلة سواء عرفوا معناه أو لم يعرفوا معناه ولكن المعنى معروف في اللغة العربية أما الكيفية فعلمها عند الله إذ حفظه الله إن ويو إسي que le messager d'Allah a dit « Et je me réfugie auprès d'Allah pour que vous ne les atteigniez pas. » Il dit « Habidallah, Il dit, il y a là deux points à retenir qui font partie des emblèmes de la véracité de la prophétie du prophète alayhi salatu wasalam et les gens de la sunna croient en cet emblème et en d'autres emblèmes de la véracité de la prophétie du prophète alayhi salatu wasalam. Ces emblèmes sont une vérité réelle. Sont une vérité réelle qu'il faut protéger de toute suspicion, mensongère et de toute illusion, qu'on connaisse le sens de ces emblèmes au concours ne le connaissent pas, mais le sens et la signification sont connus dans la langue arabe, mais le comment, il n'y a qu'Allah qui le connaît, subhanahu wa ta'ala. يقول فالفائدة الأولى أن المهاجرين فالفائدة الأولى أن المهاجرين والأنصار سلموا من هذه الخمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله أن يدرك هؤلاءكم الرهط من المهاجرين والأنصار وإن كانت وقعت أشياء لكنها من أفراد وليس لمن يجعل هذا أصلا في الصحابة كان يقول الصحابة ظهر فيهم الزنا الصحابة كان فيهم السرقة فهذا تقصير خاطئ وتقعيد فاسد يخالف نص رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل إذا ذكر أصحابي فامسكوا. Et le prophète et notre cheikh, notre noble cheikh, Habibullah, a dit, le premier point à retenir dans ce hadith, c'est que le muhajirun et l'ansar, dire les nobles compagnons du prophète, ont été épargnés du 6-5 mœurs, du 6-5 ignobles mœurs, car le prophète a imploré Allah de les en préserver. Même s'il y a des mauvaises choses qui sont arrivées à certains compagnons, mais cela ne concernait que certains individus parmi les nobles compagnons. Et c'est faux d'en faire une base et de dire que zina et le vol sont apparus chez les compagnons. Ça, c'est une fausse règle qui est en contradiction avec la parole du messager alayhi salam qui dit « Comme mes compagnons sont cités, retenez vos langues », c'est-à-dire « ne parlez pas au mal d'eux ». يقول حفظه الله وهذا وهو حديث صحيح ومن قال هذا فقد أساء الأدب مع صفوة محمد أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهم الذين تلقوا الحديث من فم نبيهم صلى الله عليه وسلم غضا طريا لمشاهدتهم التنزيل فجميع الأمة بعدهم بما في ذلكم أئمة التابعين مثل القاسم بن محمد بن أبي بكر رحمه الله وعروة بن الزبير رضي الله عن الزبير ورحم الله عروة وسعيد بن المسيب رحمه الله وسائر الأئمة بعدهم فإنهم مجمعون على الإمساك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذنك التحاب ذا الله concernant ce hadith, quand mes compagnons sont cités, retenez vos langues, c'est-à-dire ne parlez pas au mal d'eux, il dit, ceci est un hadith authentique. Et celui qui dit, en généralisant, qui dit de façon générale que zina, le vol, est apparu chez les compagnons, ceci est considéré de sa part comme un mauvais comportement vis-à-vis des nobles compagnons d'Allah alayhim. Cette élite de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cette élite de la communauté de Muhammad alayhi wa sallam ont appris la religion directement de la bouche de leur prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont appris directement la religion toute fraîche de la bouche directement de leur prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car ils ont assisté à la révélation, toute la communauté après eux, à la tête de celle-ci, les grands imams de leurs successeurs tabi'in, comme le Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr, ainsi que Urwa ibn Zubayr, qu'Allah agrée ibn Zubayr, il couvre de sa sainte miséricorde Urwa, et ainsi que Saïd ibn Musayyib, et tous les imams de la science après eux, sont unanimes sur le fait de retenir sa langue concernant les compagnons du prophète alayhi salam. Ils ne parlaient combien, hein? Ils ne citaient les compagnons qu'avec du bien, ridwanullahi alayhim. يقول رحمه الله وإنما يذكرون ما حصل منهم من نوادر وهي في أفراد قليل منهم حتى تكون مناسبة حين تكون مناسبة حينما مثلا يذكر حد الزنا للمحصن وهو الرجم بقضية ماعز وقضية الغامدية وفي رواية الجهنية وقصة صاحب العسيف، يستدلون بها على أن حد الزاني المحصن هو الرجم بالحجارة حتى يموت وإن أنكره القرضاوي. إذن كل جهة بده الله سيبيو خديسيسور évoque les cas marginaux de certaines situations des compagnons, et c'est quelque chose de minime quand il parle par exemple de la sentence du fornicateur pour donner des exemples. Il cite, pour donner des exemples, de la sentence du fornicateur avec la femme mariée, dont la sentence c'est la lapidation. On s'étend le cas de Ma'iz, radiyallahu anhu, et le cas de Ghamidiya, radiyallahu anha, et dans une version Juhaniya, et l'histoire du salarié qui vient forniquer avec la femme de son employeur, il cite cela pour prouver que la sentence du fornicateur marié, c'est la lapidation avec la pierre jusqu'à la mort, qu'on déplaise al-Qardawi qui rejette cette sentence. إذ يحفظه الله فالقرضاوي ضال المضل المبتدع إن لم يكن هو منظر الإخوان المسلمين الضالين المفلسين فهو من كبار نظارهم وعنده مقولات كفرية إن طال العمر بنا إن شاء الله وتمكنا من ذلك نشرناها ونشرنا الرد عليها ودليل بطلانها من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. Et il dit, Hamidallah Ta'ala, Al-Qardawi est un innovateur égaré, égareur. Si ce n'est pas lui le principal théoricien des frères musulmans, les égarés qui ont fait faillite, c'est l'un de leurs grands théoriciens. Il a des paroles du domaine de la mécréance. Et si Allah nous donne la vie, Inch'Allah, nous allons les propager avec une réfutation et une réplique et montrer le caractère faux de ses paroles à partir du livre et de la sunna et du consensus de la communauté. Il dit, Hafidhahullah, فَمَنْ قَالَ الْإِمَامُ الْقَرْضَاوِ قَاصِدًا أَنَّهُ مِنْ أَئِمَّةِ الْهُدَى فَهُوَ مِثْلُهُ ضَالُّ الْمُضِلُّ إِلَّا إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَيُعَلَّمُ وَيُبَيِّنْ لَهُ ذَلِكَ لا حياء في الدين نصدع بالحق يا أبنائي وبناتي من المستمعين ولا نخاف في الله لومة لائم وهذا ما عهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في بيعة العقبة وهو حديث في الصحيحين خرجه الأئمة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. Il dit, Hafidhahu Allah Ta'ala, quant à celui qui dit, on cite Al-Qardawi, il dit, l'imam Al-Qardawi, pour le désigner comme imam de la bonne voie, celui-là s'est un égaré comme le Qardawi, sauf s'il est ignorant. Dans ce cas-là, on lui montre et on lui apprend. Il n'y a pas de honte ni de pideur à avoir dans la religion. Il n'y a pas de honte à avoir dans la religion. On déclare haut et fort la vérité. Oh mes garçons et mes filles, parmi ceux qui m'écoutent, on n'a pas peur des reproches de qui que ce soit. On a peur juste de d'Allah. Et c'est l'engagement que le messager a pris sur ses compagnons lors de l'allégeance de la stèle, dans un hadith, dans les authentiques que les imams ont cité d'Abdullah ibn Samit. C'est quoi cet engagement? C'est de déclarer la vérité et de conseiller la communauté. يقول حفظه الله أما الفائدة الثانية دليل شناعتها وفضاعتها وهذا دليل شناعتها وفضائعتها وهذا ما يوجب دليل على شناعتها وفضاعتها وهذا ما يجيب وهذا ما يوجب على كل مؤمن ومؤمنة أن ينأى بنفسه عن هذه الأمور ومن ابتلي بشيء منها فعليه التوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى ولعله يأتي مجال لشرح التوبة مختصرا وأظنه الآن موجود لدى دار الميراث النبوي في الجزائر دار الميراث النبوي تنشره باللغة العربية دي من الرسائل وموقع ميراث الأنبياء ينشرونه باللغات الإنجليزية والفرنسية وغيرها إن شاء الله تعالى لهم الإذن المطلق. Et donc, le deuxième point à retenir dans ce hadith contient le caractère ignoble de ses mœurs. Et cela implique que tout croyant et toute croyante doivent s'éloigner de ses mœurs. Et celui qui est prouvé par l'une de ses mœurs, il doit se repentir d'un repentir sincère à Allah. Et peut-être, il dit, Allah, on aura une occasion pour expliquer d'une façon concise le sujet du repentir. Et je crois qu'il existe chez la maison d'édition Al-Mirat Nabawi Biljazair en Algérie, qui le propage en langue arabe dans l'ensemble des épîtres de Cheikh Obeid, et le site Mirat Al-Anbiya qui le propage en anglais et en français et d'autres langues, Inch'Allah, ils ont l'autorisation absolue. C'est-à-dire, il parle d'une conférence qu'il a fait sur le repentir, hein, qui est déjà éditée. Et je crois que il y a celle que nous avons fait aussi lors de la première assise dans ce recueil de Sira Sa'il. Nous avons fait aussi, les bonnes nouvelles annoncées à ceux qui se repentent et qui reviennent vers Allah. Et donc ici on arrive à la fin de la première assise autour de ce hadith. Cette première assise a eu lieu le 21 Jumada 2 au l'an 1435 de l'Hégire, après Salat al-Jumu'ah dans la mosquée Ridwan à Médine. Et qu'Allah préserve notre cher et allons sa vie dans son obéissance. On passe à la deuxième assise concernant ce hadith qu'il a débuté, Habidallah, qui a eu lieu le 6 Rajab 1435, et qui a été aussi transmise en direct sur les ondes de Radio Mirat Al-Anbiya. Donc il dit, Habidallah, après les louanges à Allah et les salutations et les prières sur notre prophète Muhammad, sa famille, tous ses compagnons, ceci dit, يقول فما أظن après l'introduction et les louanges à Allah et la prière sur le messager عليه الصلاة والسلام, notre noble cheikh dit أما بعد فما أظن رجلا ولا امرأة من المسلمين إلا أدرك أن هذا الحديث الحسن كما حكم عليه الإمام محدث هذا العصر عند العارفين بقدره وقدر من سبقه من أهل الإمامة في الدين والجلالة في القدر والسابقة في العصر, فهو أحد شيوخ الإسلام الثلاثة عندنا, والآخران هما سماحة الإمام الأثري المجتهد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله, والشيخ الفقيه المجتهد المحقق الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحم الله الجميع ومن مضى قبلهم من أئمة العلم والإيمان والدين ومن علماء الإسلام والسنة. Il dit, Allah Ta'ala, ceci dit, je crois que tout homme musulman et toute femme musulmane a capté que ce hadith jugé bon, jugé hassan, par l'imam, le muhaddith du siècle, c'est-à-dire de notre siècle, chez ceux qui lui reconnaissent sa valeur et sa place qu'il mérite, et chez ceux qui reconnaissent la valeur et la place de ceux qui l'ont précédé dans l'imamat de la religion et de la science, et qui lui reconnaissent la révérence et la grande place qu'il occupe et qu'il a occupé et qu'il occupe toujours dans le domaine scientifique dans notre siècle, car c'est l'un des trois imams et l'un des trois chouyours de l'islam pour nous, c'est-à-dire pour nous les gens de la sunna. Les deux autres ne sont que le jurisconsulte par excellence, l'authentificateur Mohammed bin Salih ibn Uthaymeen rahmatullah alayh, et l'éminence, l'imam, l'athari, Abdelaziz, ibn Baz, rahimahullah, qu'Allah les couvre tous de sa miséricorde, et tous les imams qui ont passé avant eux parmi les savants de l'islam et de la sunna. Il dit, Hamidallah, aqul, الكل أدرك أن الحديث يتضمن خمس عقوبات من الله على خمس من الآثام وكبائر الذنوب وعظائم الجرائم التي بليت بها الأمة الإسلامية. وهذه الخمس الخصال الذميمة الشنيعة الفظيعة واقعة في كثير من أقطار أهل الإسلام، والعقوبات كذلك واقعة في كثير من أقطار الإسلام. إلي حفظه الله. Tout le monde a capté que ce hadith contient cinq châtiments d'Allah pour de grands péchés capitaux et d'ignobles crimes avec lesquels sont éprouvés la communauté musulmane. Et ces cinq ignobles mœurs répréhensibles et horribles se pratiquent dans beaucoup de pays de l'islam. Et les châtiments aussi sont suivis par beaucoup des pays de l'islam. Hein? C'est une réalité. Regardez la sécheresse. Dans beaucoup de pays, regardez les maladies, regardez la tyrannie des gouverneurs, regardez les tueries entre les musulmans, et ainsi de suite. Cela prouve la véracité de notre messager, alayhi salatu wassalam. Cela doit nous booster encore, à nous cramponner encore plus à le lit au livre et à la sunna, selon la voie et la compréhension du peuple prédisseur, wallah alayhi, et à motiver les autres par tous les moyens à se cramponner à cette voie. Il dit, hafidhahullah, wa qad yaqulu qa'ilun annasu sinfan, sinfun mubtala bihadi al-jara'im wal khisal al-'idham wa qismun lam yusibhu shay'un min dhalik. Il dit, hafidhahullah, et quelqu'un pourrait dire, les gens sont deux catégories. Une catégorie éprouvée par ces crimes et ces ignobles mœurs, et une autre catégorie qui ne l'est pas et qui n'est pas éprouvée par ces mœurs ignobles. يقول والجواب أولا لله الحكمة البالغة والحجة البالغة فهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل والخلق يسألون فأفعاله عز وجل مبنية على حكم علمها من علمها وجهلها من جهلها. وقد حذر سبحانه وتعالى عباده من ذنوب عقوباتها تعم. قال عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. Et il dit حفظه الله تعالى la réponse. Premièrement, à Allah appartient la cime de la perfection et de la sagesse, et à lui appartient l'épreuve écrasante. Et on ne demande pas à Allah ce qu'il fait, et les créatures seront questionnées sur tout ce qu'ils font. Les actes d'Allah sont basés sur des buts et sagesse qui sont connus par certains et ignorés par d'autres. Allah subhanahu wa ta'ala a averti contre des péchés dont les châtiments se généraliseront sur ceux qui les ont commis et ceux qui ne les ont pas commis. Et il est dit dans le verset qu'il a cité, Allah ta'ala, dont la traduction approximative nous dit ceci: craignez une calamité qui n'affligera pas exclusivement les injustes d'entre vous, et sachez qu'Allah est dur en punition. يقول حفظه الله وثانيا فيما يبدو لي والعلم عند الله أنه قل أو اضمحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعني بالحكمة والموعظة الحسنة وبالقيد الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم وهو عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Il dit Habdallah, deuxièmement, dans ce qui m'apparaît, et seul Allah sait, le fait d'ordonner le bien et de réprimander le mal avec sagesse et bonne exhortation et avec les conditions rapportées du prophète alayhi salatu wassalam. Il dit, cela a diminué ou faibli. Et dans le hadith du muslim, rapporté par Abi Sa'id al-Khudri, qui dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui vit parmi vous, celui qui voit parmi vous un mal, qu'il le change avec sa main. S'il ne peut pas, alors avec sa langue. Et s'il ne peut pas, alors avec son cœur. Et c'est là le faible degré de la foi. Et qu'on soit objectif et véridique, où est-ce qu'on voit le fait de blâmer le mal et de réprimander le mal et de conseiller le blâme et de conseiller le bien, dans peu d'endroits, et parmi si peu d'endroits, l'Arabie Saoudite vient en tête. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve ce pays et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous revenions comme il se doit à notre religion et qu'on accomplisse ce qui nous est demandé. C'est ce qui nous permettra de ne pas subir tous ces châtiments, sauf si Allah le veut, pour nous purifier. يقول حفظه الله وتمت حديث آخر فيما يبدو وتمت حديث آخر ومضمونه قريب من هذا وهو يفيد أنه إذا لم تكن غيرة على السفهاء الذين يعيثون في الأرض